des hommes se lèvent contre l'ordre. Ils contestent l'appel et l'autel. L'orgueil se déguise en justice et la révolte prend un air fidèle. Ils disent toute l'assemblée est sainte, sans voir la main qui les a placés. Ils veulent le feu sans la vocation, la gloire sans l'obéissance acceptée. Mais tu n'es pas un dieu de confusion, tu es le dieu de la juste position. Tu nous appelles à l'humilité.